Je pense qu'il faut spécifier parce qu'il y en a qui vont comprendre que c'est mon grande brune, petite blonde, tu sais. Hein? Grand brun, petit blond, ça existe? Bon, c'est important donc qu'on pense qu'il faut comprendre clairement, par principe, c'est évident. Veux, veux pas, vous allez et vous avez besoin astralement de vous nourrir de d'autres formes d'énergie astrale, donc de d'autres corps astrales. Les autres corps astrales habitent d'autres corps physiques. C'est un principe évident, ça, l'humain, il ne peut pas y échapper. Mais est-ce que dans les deux, je prends ton exemple de tantôt, une relation disons, de 7 ans ou 10 ans, peu importe, est-ce que dans les deux cas, l'homme et la femme, le besoin de notre nourriture va arriver nécessairement? Ou si un des deux, par exemple, après 7 ans, l'homme dit « moi j'ai besoin de me nourrir d'une autre forme d'énergie », ça ne veut pas dire que la femme ou l'inverse serait rendue à ce stade-là? La femme est probablement déjà rendue à ce stade-là elle aussi, sauf que l'homme il va surtout penser aux fesses, la femme elle va penser elle, à l'amitié, se refuser... Ouais. Bon, mais voilà quoi les humains vont chercher. Et là, ce qui va arriver, c'est que la femme va déjà se faire des amis. Déjà là, elle est en relation sexuelle avec ses amis. Pas physique. Elle se nourrit astralement d'amis. L'homme a besoin de se nourrir astralement d'amis. Ça peut même engendrer, dans certains cas, des jalousies tout court. La femme est jalouse des chums de son mari parce qu'elle est partie avec. Tu sais, le gars, quand il est à la taverne avec sa gang, ben, c'est de la sexualité qu'il fait. Il se nourrit astralement. Puis quand il vient à la maison... Il pense pas qu'il peut parler avec sa femme, fait qu'il la viole à la place. Il se nourrit aussi astralement. Bon, plus l'humain se conscientise, puis ils vont discuter ensemble, puis ils se nourrissent astralement. Mais là, ce qui va arriver souvent, c'est que vous allez avoir des enfants. En ayant des enfants, vous engendrez d'autres corps physiques, d'autres corps astraux, et là, vous allez avoir une sexualité avec vos enfants. On parle toujours pas de sexualité biologique, mais là, maintenant, ça va vous contenter pour un laps de temps. Là, tu cours plus, tes enfants, ça te stabilise. Mais les enfants, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils te nourrissent astralement, donc ils t'amènent d'autres éléments. Mais à un moment donné, encore une fois, tu vas être sevré. Puis probablement, c'est sûr, si tu as 25 enfants, tu n'as pas le temps. Mais à un moment donné, tu vas aller ailleurs. Puis quand je parle d'aller ailleurs, ça veut dire minimum avoir des amis. Sauf que l'être humain est, au niveau de ses structures, tellement manipulé. Regardez comment ça se passe. Un homme, on va prendre l'exemple de l'homme pour l'instant, l'homme, il rencontre une femme, et il la trouve belle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la trouver belle? Est-ce qu'il y a désir sexuellement ou si énergétiquement, il y a une affinité? Donc, il peut se nourrir déjà astralement, il y a une affinité avec la fille, mais le gars, il est, par l'historicité humaine, il est tellement d'égrégores, le gars, il est tellement inconscient des mécaniques de ce que c'est qu'une nourriture astrale, mais il va conclure quand qu'il la trouve belle, il a le goût de coucher avec elle. Mais il y a un manque vital quand même, le gars. C'est évident, c'est d'ailleurs pourquoi qu'il va trouver la fille belle. C'est qu'une fille. Bon. Mais c'est rien que la nourriture astrale, là, c'est... Vital, oui, parce que l'astral puise dedans. Donc, le gars a besoin de nourriture astrale pour se contenter. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si le gars est moindrement conscientisé, il va être capable de s'alimenter de l'intelligence de la fille. Fait que là, il va la trouver belle, mais pour lui, c'est pas... Bon, ils vont commencer à discuter ensemble, puis subitement, il se rend compte qu'il est intelligent. Un gars conscientisé, c'est là qu'il va tomber en amour. Tandis qu'un gars qui n'est pas conscientisé va avoir le goût de coucher avec elle juste à la voir. Un gars conscientisé va avoir le goût de coucher avec elle si elle est intelligente. Là, ils vont jaser. Là, il va y avoir maudit qu'il est intelligent. Puis là, lentement, il va descendre ça jusqu'à la sexualité. Alors, les filles vont dire, à un moment donné, c'est ça, ils jasent avec eux. Après ça, ils pensent quand même au lit. C'est que c'est pas vrai. Le gars est manipulé. La fille, de toute façon, ça se repose dans le lit, c'est qu'elle est manipulée aussi. Bon, là, ce qui va arriver, c'est que le gars se nourrit astralement. Et à un moment donné, par l'habitude, toutes ces réincarnations, les égrégores qui sont là, l'habitude, l'humain continue à penser qu'une relation énergétique complète passe par le sexe biologique. Donc c'était aussi historiquement la confirmation qu'il possédait l'autre. Au niveau de l'ego, pour nourrir l'ego. C'est ça. L'homme avait besoin de se prouver qu'il possédait sa femme, puis la posséder, là, c'était vraiment dans ce sens-là que ça se faisait. Probablement que mémoriellement, ça revient... rapidement, tu peux presque pas avoir une amie fille, historiquement pour les égaux hommes, avoir une amie fille qui t'est fidèle comme amie si tu la possèdes pas. C'est ça. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que, bon, historiquement, effectivement, l'humain, l'homme, la femme, ne connaissent tellement pas ce que c'est que l'amour. Pas l'amour qu'un grand A, là. L'amour. Pas votre limite de grand A. L'humain ne connaît tellement pas ce que c'est que l'amour. Que le moindre mec s'approche de l'amour, il la vit comme à l'époque où il était dans l'inconscience, donc il la vit comme il a toujours vécu, par la liaison sexuelle. Alors à un moment donné, on a des hommes qui vont tellement aimer leur fille, qui vont les violer. Ils vont tellement aimer leurs garçons qu'ils vont les violer. On a des... On regarde aujourd'hui toutes les problématiques qu'on va avoir, par exemple, avec les curés. Hein, il y a des frères, des curés, qui ont violé des enfants à un moment donné. Mais la majorité aimait. Ils aimaient tellement les jeunes qu'ils étaient là qu'à un moment donné, ils ne pouvant pas se nourrir, c'est-à-dire ne pouvant les aimer, ben, ils les aimaient. Il est violé. Bon, et ça, c'est un problème, une problématique qu'on voit encore aujourd'hui, où la femme s'interdit sans arrêt d'une relation énergétique, on pourrait dire une relation sexuelle énergisante, sans sexe, là. De ce fait, effectivement, tout à l'heure, tu parlais, bon, un massage. Le massage est une façon de s'énergiser astralement, une façon extrêmement puissante. La problématique, c'est que la femme qui va masser un homme, a peur que ça finisse encore une fois en relation sexuelle. Tandis que l'homme qui masse la femme a peur qu'elle veut dormir après. Ah! Bon. Tout ça va faire en sorte que l'homme, la femme, l'enfant, vont être totalement limités au niveau de la nourriture astrale. Là, je ne sais pas si c'est pas sexuel dans le sens du sexe, c'est que le sexe permettait la nourriture du corps astral, mais d'une façon tellement ténue, alors que l'amitié va nourrir un autre niveau. Mais l'amitié ne nourrit pas suffisamment. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas la capacité actuellement, et manipulé par des engrammes religieux, des engrammes morales, des engrammes sociales, l'homme, la femme, l'enfant n'a pas la capacité d'aimer l'homme. Bon, déjà plusieurs ne s'aiment pas eux-mêmes, ils doivent être aimés par quelqu'un pour être capable de se dire, d'abord je suis aimable, pour être capable de s'aimer, ils ont de la difficulté, mais là, la femme, l'enfant ont de la difficulté à s'aimer. Les femmes ont un peu moins de difficultés, ils en ont énormément quand même, alors que l'homme en a souvent énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne profitez pas suffisamment de vos amis. Quand je parle profiter, c'est pas dans le sens mercantile du terme, c'est qu'on ne se sert pas. Bon, c'est comme tu vas au soleil, tu ne profites pas du soleil. Bon, tu n'as pas exploité le soleil, tu n'as pas profité. Alors, ce qui va arriver donc régulièrement, c'est que les individus ne sont pas capables, ils sont inhibés, ne sont pas capables de se laisser approcher suffisamment pour être capables de vivre dans une harmonie énergétique telle qu'ils n'auront non seulement plus besoin de relations sexuelles, ce ne sera même pas besoin. Tu vas arriver le soir, tu vas te coucher, tu vas dormir. Tu ne penseras pas à coucher, à faire l'amour avec l'autre. Ça ne vient même pas. Non, c'est bien. Mais il va y avoir des besoins de contact physique? Oui. Le contact physique sert à quoi? Le contact physique sert à échanger les énergies. Ça veut dire, par exemple, comme la mère qui prend son petit bébé, elle le prend, elle le colle. Le petit a besoin d'être stabilisé au niveau astral. Écoute, il vient de te garocher dans la planète Terre dans le corps physique, puis tout est là, puis ça s'envoie d'un bord, puis de l'autre. Il stimule physique, il a besoin de stabiliser astralement. Donc, il faudra que quelqu'un l'aime, mais pas quelqu'un l'aime à distance. Imaginez la mère qui regarde son petit bébé, là. « Je t'aime! Je t'aime! » Mais c'est ça qu'on fait nous autres en nous autres. C'est ça qu'on fait en nous autres. Mais la mère ne fera pas ça. Elle va le prendre. Elle va y parler, elle va dire n'importe quoi, c'est pas grave, il ne comprend rien. Il perçoit la vibration, mais il a besoin d'être pris. Mais si tu ne l'aimes pas physiquement quand tu le prends, le petit, il sait. Donc, le petit a besoin d'eux. Mais là, ce qui va arriver, c'est que la femme, ou même l'homme, qui prend le petit et qui l'aime, lui aussi, il est bien. La femme, elle se couche, le bonhomme, il est son petit dans les mains. Il ne pense pas aller courir après sa femme. S'il est bien avec son petit, là, il n'a plus besoin. Il se nourrit astralement, donc il est dans une relation sexuelle avec son enfant. Pas sexuelle au niveau du sexe physique, il est dans une relation énergétique avec son enfant. Mais là, ce qui arrive, c'est que le moindrement que l'enfant va arriver à atteindre un certain âge, dépendamment des entités astrales qui nous manipulent, à un moment donné, tu ne peux plus toucher. Tu vous en tête, c'est un petit peu de même, un petit tape sur l'épaule, mais progressivement, tu ne t'alimentes plus, l'enfant ne s'alimente plus. Le rendu à l'adolescence, l'enfant devient tellement carencé. À l'adolescence, il y a une mutation hormonale qui commence. Il y a des entités réincarnatives d'adultes qui veulent violer le corps de l'enfant, c'est-à-dire le posséder pour s'en servir pour faire l'amour sexuellement. Alors le jeune finit par partir des coups d'un bord et de l'autre. Et en plus, étant carencé affectivement, parce que même si on dit je t'aime à mon gars ou à ma fille, il n'y a plus de nourriture depuis plusieurs années, bien là, il y a un danger majeur de se faire dissoler totalement. Puis là, on crée un autre animal humain avec notre enfant qui, originellement, ne court pas les fesses des autres gaufilles. Dans la tactique de l'astral, c'est carencer astralement au départ pour ensuite pouvoir l'investir. Ben, un être humain carencé, effectivement, est un être humain qui va... Le corps astral doit tellement être stabilisé au niveau du plan planétaire parce que c'est le corps qui peut vivre la peur, l'inquiétude, l'incertitude. C'est le corps qui est manipulable, qui connaît Jakita, les entités de jalousie. Bon, ce corps-là a tellement besoin d'être stabilité pour permettre à l'humain d'être planétairement heureux. Si l'humain est heureux, il va connaître la joie, donc un bonheur instantané, l'humain va nécessairement se conscientiser. Moins l'humain est heureux, donc plus le corps astral est déstabilisé, moins l'humain a la capacité, parce que l'humain est obligé de chercher de l'alimentation astrale. Exactement comme si vous crevez de faim, mais avant de vous conscientiser et d'évoluer, là, vous allez aller à la chasse. Fait que plus on va vous faire crever de faim, plus vous allez occuper votre temps biologique à chasser. Au niveau, on a réglé le problème de la nourriture physique, au niveau de la nourriture astrale, ça, on ne l'a pas réglé. Est-ce que c'est pas plus de la tendresse ou d'affection qu'on a besoin que du sexe? Est-ce que le sexe n'amenait pas la tendresse parce qu'on ne l'aurait pas eu autrement? C'est ça. Le sexe t'amène une forme de tendresse, c'est-à-dire que dans le sexe, tu vas toucher, tu vas cajoler, tu vas dire des mots doux. Tu sais, on s'échange des choses dans une relation sexuelle qui se disent là, qui se font là. Alors que le sexe, c'est la raison, mais c'est tout le reste surtout qui alimente l'humain. Évidemment, comme c'est assez rapide dans certains cas, l'alimentation n'est pas forte. Puis là, parce qu'il n'y a pas longtemps encore... Je me souviens, quand j'ai eu mon pieu, là, j'étais un des pères quasiment extraterrestres parce que là, j'en ai de couche, puis je prenais mon bain avec. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 25-30 ans, ça se faisait même pas. Donc, si l'homme avait besoin d'un peu de tendresse, c'est certainement pas avec les enfants qu'il pouvait le trouver. Il fallait qu'il répète tout le temps la même... Ben oui, parce que l'homme, c'était un homme qui s'occupe des enfants, c'est une tapette. Bon, à l'époque, ça c'est depuis... Donc, l'humain ne s'alimentant pas, et ça, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Vous avez des amis, mais est-ce que vous êtes capable de vous alimenter? On a des enfants, puis on s'alimente déjà plus. C'est pas une question... Les femmes, ils l'avaient plus, parce que tu pouvais avoir deux femmes qui allaient danser ensemble, par exemple. Qui se donnaient la main, ils pouvaient s'accoler, ils pouvaient s'embrasser, c'était correct. Les hommes, avant qu'un homme me tienne par la main, c'est à Sainte-Catherine, moi, je... Mais égoïquement, on est pogné en maudit. Mon plus vieux, on est allé au forum ensemble, il y avait 11 ou 12 ans, puis comme il a fait exprès, il me prend par la main, mais il est rendu ma grandeur, c'est pas vrai. Puis là, je sentais que le monde me regardait, puis je me demandais qu'est-ce qu'il pensait, c'est-tu le bonhomme qui s'est ramassé un petit jeune sur la rue? Puis là, j'enlève ma main, puis là, il reprend, il dit, t'es pogné, à peu près. Et puis, on est pogné, on se demande... Qu'est-ce que les autres vont dire, ou toutes les mémoires qu'on peut avoir de... Je ne pense pas que les femmes aient ce handicap-là. La fille d'Annie, qui a par exemple 10 ans plus jeune, mettons qu'Annie a 30 ans, sa fille a 20 ans, si elle prend la main, Annie n'a pas de problème. Mais son garçon, s'il a 20 ans, puis il a 30 ans, son garçon, il prend la main, lui, il n'a pas de problème non plus. Mais dans le bon sens du terme. Normalement, c'est ça ne fonctionnera pas. Mais ce qui va arriver, c'est probablement que sa fille, il ne prendra pas la main à sa mère. Parce que progressivement, ça coupe, ce qui fait que sa fille va, à un moment donné, aller se nourrir ailleurs. Bon. Puis il y a toute une panoplie de phénomènes qui vont faire en sorte, à travers l'éducation qu'on a et à travers la vie qu'on vit, où on est tellement en déstabilisation astrale, que l'homme, la femme vont toujours être facilement manipulables à penser que c'est par les fesses, et finalement, ils vont aller s'alimenter. Fait qu'une fois qu'on a couché, une fois qu'il y a eu une relation sexuelle, ben là, on dort. On n'a plus besoin de se minoucher, de se préparer un petit plat. On n'a plus besoin. C'est faux. Mais quand, par exemple, on a commencé à coucher avec quelqu'un, on va dire qu'une fois qu'on est marié, lentement, la cour, ça tombe, parce que si on est même mal pris, on couche ensemble. Alors qu'avant, tu ne peux pas coucher avec, tu vas dire des mots doux, tu vas y écrire une lettre, elle va t'envoyer quelque chose. Mais là, on va s'énergiser astralement. Mais à un moment donné, ça va être tari par la relation sexuelle, puis après ça, normalement, dans la majorité des cas, ça finit là. Puis là, ce qui va arriver, c'est que si, par exemple, on est marié, moi, je rencontre une autre femme, elle va être jalouse. Parce que astralement, on va s'arranger pour m'interdire à moi de m'alimenter ailleurs. Et la manipulation va être, si tu sors avec elle, tu ne sors plus que moi. Elle ne voudra plus coucher que moi, là, si je sors. Elle va s'organiser pour me punir. Donc, je vais, si je me nourris là, je vais être pénalisé en arrière. Alors que l'homme, la femme devrait pouvoir s'alimenter. Imaginez votre mari, il s'en va. Il va au bureau, il rencontre une secrétaire qui est vivante, une jeune, par exemple. Il ne couche pas avec elle, mais ils ont un plaisir, ils se tiraillent un peu, ils se touchent, ça, c'est un plaisir. Quand le mari rentre le soir, il est barbouillé d'enthousiasme, il a des yeux lumineux, il est souriant, il rentre chez vous, mesdames, puis il dit bonjour, puis la bonne femme est jalouse. Alors qu'elle devrait apprécier le bonheur du bonhomme. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas. Comment, qu'est-ce qui t'arrive, là? La petite là-bas, là, elle te pète plus qu'à moi. Non, c'est que toi, je m'alimente, puis effectivement, je suis en carence. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si ce soir, avec toi, je suis heureux, là, ma vie vient de prendre un essor. Je ne couche pas avec la petite là-bas. Tu sais, je vais peut-être lui offrir des fleurs, à un moment donné, c'est sa fête, lui offrir un cadeau, comme me faire à toi. Mais on a le goût subitement, moi aussi, de recommencer à faire le coup à ma femme. Mais c'est pas jalouse. Ma femme, c'est la même chose. Elle revient toute pétillante à rencontrer un gars. Je devrais profiter de son bonheur. Mais on ne le fait pas. Mais comment vivre ça puis être correct? Parce qu'ils ont essayé des choses avec la révolution sexuelle là, dans les années. Oui, mais ils n'ont pas essayé ça. Ils se sont dit, couchons que t'es bon. Lui-même, il s'est fait fourrer. Mais parce qu'il y en a plusieurs. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que je dis là. Non, je sais, mais il y en a plusieurs. L'idée derrière de ça était quand même de une certaine ouverture, en tout cas. Oui, mais il faut que l'être humain soit intelligent. L'être humain qui n'est pas intelligent, qui n'est pas conscient, c'est sûr que tu peux avancer par la sexualité. Mais tu as le choix entre avancer à travers les risques ou pas avancer jamais et être pogné tout le temps. Il faut que l'humain soit intelligent. Tu sais, par exemple, tu es... Il faut qu'il soit esthétique aussi. Dans si son... t'es intelligent, il est nécessairement esthétique. Mais c'est pas, par exemple, s'il y en a un des deux qui se nourrit avec quelqu'un d'autre... Puis j'aime pas l'expression se nourrir. Mais ça fait vampire, mais c'est ça. Pareil. Non, c'est pas un vampire, c'est une synergie. Oui. Donc, si quelqu'un se synergise avec quelqu'un d'autre, c'est toujours plus beau. Mais quand elle vient à la maison, faut pas qu'il défasse une harmonie qui existe si l'autre personne n'est pas capable de le supporter actuellement ou ne pourrait pas le prendre. Il y a un respect de ce qui existe déjà. Donc, ça, c'est extrêmement important ce que tu dis là, c'est que si la personne est suffisamment intelligente, ben, par exemple, moi, bon, ma femme ne comprend rien. Je suis toute pépée avec une autre. Et quand je reviens à la maison, je n'arriverai pas là en pépant, parce que c'est évident que Jaquita, une entité de jalousie va la ramasser, puis elle va s'organiser pour venir pour tuer l'amour qui est en train de naître. Pas l'amour entre ma secrétaire et moi. L'amour est en train de naître. L'amour, c'est jamais entre un et un. C'est l'amour. Bon, c'est évident que quand je vais arriver, au départ, je ne peux pas la laisser. Oh, parce que c'est une chose qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais l'humain gère mal l'amour. Bon, l'autre m'amène plus, fait que je ne peux rester avec ma femme parce que ma femme est jalouse, ça ne fonctionne pas comme ça parce que dans 15 ans, on va revivre le même problème avec l'autre. Ce que je dois comprendre, c'est au départ stabiliser mon affaire, donc m'arranger pour réénergiser ma femme aussi. Je vais me servir de mon bonheur de bureau, mais je ne rentrerai pas tout barbouillé avec ma grosse valise. Je vais arriver plus comme normalement j'arrive, là, que la mort un petit peu. En chialant un peu. Lentement, pas de... Non, la maison est propre, mais pas tant que ça. Non, mais à un moment donné, lentement, tu vas, mais regarde comment c'est les entités. Tu vas dire, bon, ben, je vais simplement amener ma femme au restaurant ce soir. Là, on va dire, qu'est-ce qui arrive à... Qu'est-ce qui se passe à... Tu me caches quelque chose? Ou... Ça. Je vous répète, vous devez, puis ça, c'est sûr que esthétiquement, on doit prendre son temps, mais au départ, on parlait à ceux qui sont ici, c'est qu'on doit apprendre à bénéficier du bonheur de quelqu'un plutôt que de passer son temps à essayer de détruire son bonheur parce que c'est pas avec nous autres qu'il est allé chercher. Il en ramasse avec nous autres. Ça paraît moins. Vous savez, il y a des gens, moi, que je vais, par exemple, je voyage beaucoup, je fais des conférences au niveau d'éducation souvent, je vois des contrées qui sont extraordinairement belles. Là, quand je demande au monde qui sont avec moi, te rends-tu compte comment c'est beau chez toi? Il dit oui, ça, on s'en rend compte. Et moi, je le dis. Et quand sur la rue, là, mettons, j'ai été, à un moment donné, en Gaspésie. Les Gaspésiens, ça, ils sont pas toujours là sur le bord du rocher percé, là. Waouh! Tu sais, ça ne parle pas dans le face qui aime ça, le rocher percé. Mais ils vont pas leur dynamiter le rocher percé, par exemple. Bon, c'est sûr qu'eux autres, là, ça donne l'impression qu'ils n'aiment plus leur face. Ils ont peut-être le goût de la Floride, pareil, une fois en temps. Exactement. Ils vont aller ailleurs, trouvent ça beau. Puis là, quand ils reviennent chez eux, maintenant, là, mais ils aiment toujours leur place. Sauf que ça peut arriver plus autant. Le gars, la fille, il reste avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, son cadre. Il aime son cadre. Mais à un moment donné, il faut que ça alimente ailleurs. Et quand il revient dans le cadre, si à percer, tu t'en vas maintenant en Floride, puis t'es accueilli, puis c'est merveilleux, on t'attaque pas rien. Bon, quand tu reviens en Gaspésie, quand tu arrives à l'aéroport de percer, par exemple, si les Gaspésiens, tes amis viennent te chercher, ils sont contents, tu sois content. Puis la Floride, ah, c'était au bout. Il n'y a pas un relou. Puis là, tu vas aimer encore plus ta place parce que le monde sont contents que tu reviennes. Mais quand tu reviens, là, puis la Floride, c'est merveilleux. Ah, va donc chier! Et là, tu te demandes si tu l'aimes, si t'es content d'être revenu chez toi. Ils sont tous en maudit parce que tu as aimé ça à Floride. Mais l'humain vit comme ça. Humainement, là, on veut tellement pas, puis on se fait ramasser par des entités. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une sexualité énergisante, c'est quoi? C'est ton petit touche-là. Tu sais, le petit de l'autre touche-là, viole-le pas, là. Tiens, pour y toucher, puis il veut rien savoir. Ah, regarde là, le petit, là, je te mangerai pas. Ah, bon, mais c'est pas ça, là. La problématique, c'est que... la problématique, c'est que quand tu vas en Floride, la Floride, ça ne t'appartient pas. Quand tu reviens chez vous, ça ne t'appartient pas, ton coin, là. La femme alors, non plus t'appartient. Non, mais c'est qu'avec la sexualité, c'est que ce qu'on a pris pour acquis, c'est que notre femme, nos enfants, nos affaires nous appartiennent. Puis là, à ce moment-là, c'est là que c'est délicat de... ça a l'air de faire des échanges à ce moment-là. C'est ça, il y en a qui font des échanges. C'est des échanges aussi? Oui, mais là. Oui, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens péjoratif. Je le sais que c'est un échange énergétique, parce que quand il n'y a plus de sexualité en termes de sexe, ben, quand c'est un échange énergétique, il n'y a rien qui t'appartient, puis c'est correct. Okay. Mais où il y a un problème, c'est parce qu'on pense que les choses nous appartiennent, ou en tout cas, on vit comme si elles nous appartenaient. On pense qu'on veut, mais. Ah, c'est ça. On vit comme si ça nous appartenait. Ça fait encore partie des manipulations. Si une fille me rend heureuse, ma femme pense qu'elle ne vaut plus rien. Oui, mais dans ton exemple... Ça, c'est parce qu'elle ne s'aime pas. Ben, s'aime pas, c'est ça. Elle s'aime si je l'aime. Bon, mais je l'aime encore. Mais oui, mais là, il faut croire que je te donne pas tout ce que tu as besoin. Exact. C'est ça, oui. Ah, oh, ben ça, dis donc que je ne vaut plus rien. C'est rien à voir. Les bananes, j'aime ça dans mes céréales. T'as rentré, je mets des raisins. Bon, ça allait. Les bananes, je vous aime quand même, mais là, je veux des raisins, tu sais, c'est bon. Bon, là, tu mets les bananes avec les raisins, puis ça se bouffe. Ça, mais... Ben, regarde, avec les enfants, on a... l'expérience qu'on a vécue tous les deux, que mon fils, de temps en temps, veut aller passer la fin de semaine chez vous, on se le prête. Au fond, oui, il se prête. C'est plutôt lui qui se prête, mon chum, puis... mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attaque parce que c'est pas physique comme si c'était... Mettons, je prêterais moins facilement ma femme pour la fin de semaine. La femme, vous êtes intelligent. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est possessif. Non, mais c'est surtout pour ça. Oui, mais même si c'est un enfant, c'est difficile. Ça a été difficile dans certains cas, égoïquement. Heureusement qu'on a de l'intelligence. Et que, parce que tu te dis, ben c'est ça, mon fils n'a plus besoin de moi. Il s'alimente de mon chum. C'est ça. Là... Quand c'est dans le cas d'un enfant, vu qu'il n'y a pas la sexualité, tu réussis à passer par-dessus puis à intelligencer l'affaire, puis après ça... Arrête deux secondes. Ça, c'est ce que tu dis, mais c'est pas vrai. Dans la majorité des cas, les parents qui sont pas suffisamment intelligents vont vivre la même problématique de jalousie, de haine, de problème, que dans le cas d'une relation sexuelle avec une autre. Identique. Ça, je le sais, il y a des jeunes qui m'aiment énormément, avec lesquels je peux pas me rapprocher parce que leurs parents ne comprendront pas. Il y a d'autres jeunes, comme par exemple ton fils, aucun problème parce que les parents comprennent. Bon, puis là, c'est la même chose, il n'y a pas de tâche, c'est une synergie. Toi, tu me prêtes ton fils, mais tu prêtes ton chum, puis bref, puis lui, il emprunte tout ça. Il n'aura le bol de moi, ça va chez toi, qu'il n'aura le bol de toi, ça vient chez moi. Bon, il n'aura le bol de personne. Il est par contre beaucoup plus heureux. Bon, il se nourrit de ta femme, il se nourrit de la mienne, il est bien. Mais ça, c'est parce que les quatre sont suffisamment intelligents, puis ton fils aussi, pour que ça se vive. Là, on a une relation énergétique, une sexualité énorme, qui est bénéfique dans tous les cas. Bon, vous autres, vous pouvez vous débarrasser de vous aussi de temps en temps. Mais tu vois, c'est plus, il me semble, parce que c'est plus facile. Pour moi, je lui vis comme ça, que c'est plus facile parce que il n'y a pas... puis pourtant, il est beaucoup plus proche de moi, physiquement, que ma conjointe, vu qu'on est des mêmes cellules. Je veux dire, l'enfant me semble... Ça, c'est de la rationalisation. Oui, mais il me semble que c'est plus facile. Quand ma fille est partie avec ton épouse aux États-Unis, on venait de la voir, on venait de l'adopter, puis elle s'en allait en vacances. Elle ne veut même pas venir en vacances avec nous autres, avec ta femme. Yep. Mais là, on se sent... on se sent... égoïquement, on se sent dépossédé. Tu te dis, comment ça se fait que ma fille... Elle aime mieux aller passer des vacances avec la femme de mon chum ou avec une amie que de venir les passer. C'est anormal, c'est illogique. T'sais, humainement, là, on a des mémoires qui rentrent. Imagine-toi, pour moi, c'est encore pire quand c'est le conjoint ou la conjointe. Parce qu'on a besoin de se faire accréditer par son conjoint comme on est une possession. Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi. Moi, je te dis que c'est aussi difficile pour la majorité des adultes, soit que l'enfant ou le conjoint ou la conjointe. Dans ton cas, par contre, la conjointe est une coquette. Les enfants n'en ont pas été. Alors, comme tu es un conquérant, historiquement, ben là, évidemment, perdre... bref, la conquête, c'est plus valorisant. Enfin, il y a un problème qui peut être majeur au niveau de la conjointe, parce que c'est une conquête. Mais j'ai l'impression que l'homme, en général, dans beaucoup de cas... Les enfants, ils vont vivre le même problème. Ah oui? Mais ceux qui sont plus intelligents, c'est vrai que ça va accrocher. T'sais, les enfants, c'est la première affaire qui vont décrocher. Si intelligents, les enfants, c'est ce qu'ils vont libérer en premier. C'est ça. Mais pour la majorité des humains qui ne sont pas suffisamment intelligents, ça va être le même problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut accepter de La jalousie, c'est mortel. Ça tue l'amour, ça tue le corps astral, ça tue nos possibilités de s'alimenter. Puis quand on parle de relation sexuelle, on parle d'une relation énergisante. Entre la sexualité, on parlait du tantrisme, qui était uniquement un échange d'énergie. Puis l'humain a fini par penser que ça allait uniquement au niveau des organes sexuels. Bon. Puis ce qui est le gros du problème, c'est que fondamentalement, vous avez besoin de vous alimenter astralement d'autres énergies pour être en santé. Donc, vous avez besoin d'amis, d'amitié. Le problème de la problématique, c'est que l'humain, l'adulte, même souvent l'enfant, ne sait plus comment se servir de ses amis, créer des synergies. Je dis encore souvent que même le parent avec son enfant, ça va bien. Progressivement, de moins en moins. Pourquoi? Parce que ça se pue ou pas non. Tu sais, en vue de la rationalisation, il y en aura en masse. Et progressivement, il se coupe, donc il devient en manque. Qu'est-ce que les grands-parents font quand leurs enfants ont des enfants? Ils se garochent tout de suite. Puis là, ils veulent les garder, ils veulent les regarder, ils veulent... Bon. Pourquoi? Bien, uniquement pour être capable de se réalimenter. Tu vois, quand ils vieillissent, ils se nourrissent moins. Physiquement, quand ils sont bébés, le nourrisson, là, ils peuvent les tenir dans leurs bras pendant 4 heures. Là, tu es obligé de faire une liste pour sélectionner qui va venir garder, parce qu'il y en a plus qui veulent venir garder que... Quand ils sont plus durs à tenir, là, y en a, la liste a diminué. Ils sont plus durs à tenir. Pourquoi? Uniquement parce qu'ils sont mal centrés au niveau de l'plan astral. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en nombre d'heures, là, la personne a nourri beaucoup moins ou en minutes. Puis je suis sûr que c'est pas conscient, mais c'est de même que ça se passe pareil. Les grands-parents vont être beaucoup moins présents, normalement, pour s'occuper des enfants ou plus l'âge va avancer. Oui, mais je reviens à ce que je disais, c'est que si, par exemple, on a un grand-parent qui est capable encore de s'alimenter de l'enfant qui a 8 ans, savoir que l'enfant qui a 8 ans ne sera pas haïssable quand le grand-parent le garde. Alors que les autres grands-parents ou les mononcles, ma tante ou les gardiens-gardiennes ne voudront pas nécessairement le garder autant parce qu'il est trop talent, mais on pourra remarquer aussi qu'ils ne sont plus capables de se nourrir de lui. Alors que ce grand-parent-là va arriver là, première chose qu'ils vont faire, ah bonjour, ils vont se coller, puis là, ils vont s'asseoir, ils vont se tenir par la main, ils vont aller faire l'enfant est calme. Pourquoi? Parce que l'enfant est centré au niveau de son corps. Puis l'autre grand-parent qui rentre, qui va dire « Ah bonjour, oui, je viens de garder, il ne touche plus, là. » Puis là, on va voir que l'enfant peut être beaucoup plus excité parce qu'effectivement, l'enfant est perturbé. Il n'y a rien de plus traumatisant pour un être humain. L'adulte se contrôle apparemment pour bien pareil, puis c'est le même problème, que d'être à proximité d'un être humain qui peut nous nourrir, puis de ne pas être capable d'aller s'alimenter. L'enfant, c'est la même chose. L'enfant, il va attirer l'attention, il va faire... Est-ce que c'est de là que venaient les accolades d'avant, puis que ça revient là, tranquillement? L'accolade, c'est les poignées de main. L'embrassage, c'est la façon la plus... pour taper de l'énergie, c'est intéressant, ça. Comme un spaghetti. Effectivement, les accolades, etc., c'est des façons... Parce qu'antérieurement, rappelez-vous quand vous étiez hommes et femmes des cavernes, on se faisait de coller un ses autres, il fallait bien s'échauffer. Alors, humaine, c'était pas juste l'odeur, là, c'était toute l'énergie. Et progressivement.